De face les Gémeaux. Les gens qui allument le mic comme joint, le genre que l'on confond. Elle est talent tellement il aime le foin. Je veux porter plus de feuilles qu'il y a d'érable sur mon continent. Les gens qui drop plus de rimes, ton grand-père incontinent. Et flin dans les dents, toujours dans les temps. C'est pourquoi je roulerai sur le verre quand tu joueras dans les temps. La normale, oublie ça ma folie frise. Le génie bénit les mics scientifiquement comme les Curie. Ferrari, pole position, missionnaire, révolutionnaire. Mon genre de façon de faire sera de plaire. Se laisse faire. Mon flow tight comme une vierge dessert. En douceur, plus tard t'enfantes en douleur. Fous de leur blabla à propos de ci et de ça. J'ai chié ça. Pas le genre à changer de face comme Jackson Black. Serait plutôt wack de prendre ça pour un diss, sachant que j'ai passé 10 années sur 20 à écouter tes 10. Certains disent que white guy peut pas être fly, je réplique ça. Pretty wack for a punk ass. Son jackass, tant que tu veux comme une pétasse, mais sache que tous les gens de mon genre te fracassent. De face les Gémeaux, le genre qui emmerde la terre entière. De face les Gémeaux, le genre qui entre par en arrière. De face les Gémeaux, le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas de ceux-là. De face les Gémeaux. Le genre qui emmerde la terre entière. De face les Gémeaux. Le genre qui entre par en arrière. De face les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas de ceux-là. Yo, je suis pas le genre de MC dont on est, ça grandit à la manière de Pinocchio. Quand le micro je brandis, qu'est-ce t'en dis? Pas le genre d'apprenti bandit qui se repentit. J'suis un incendie. Le genre qui, malgré la constellation, reste un bâtard qui rentre tard le soir. Pas le genre à jouer la superstar. Le genre qui passe des nuits blanches comme la substance à écrire des textes trop intenses pour ton nouer tes sens. Pas de chance. Pas le genre qu'on encule comme un grec, ni celui qui porte le mot. Vous supporte l'arc-en-ciel démentiel. Mon flot t'emporte sur ses ailes. Le genre qui pof, mais passe pas tant qu'il rejoint pas les gratte-ciels. Mon grain de sel, il faut que je foute partout, c'est essentiel. Toujours le genre à voir le gros bout. Les glou-glou coulent jusqu'à ce qu'on vomisse partout. Le genre qui se tient avec des alcoolos qui pissent partout. Le genre qui t'index son majeur si t'es mineur. Et se fait ta grande sœur, la voix en l'air comme un ascenseur. Ça fait peur. Le genre qui rappe et qui chante pas, viens faire un tour chez moi comme un Jéhovah, tu rentres pas. De face les Gémeaux. Le genre qui emmerde la terre entière. De face les Gémeaux. Le genre qui entre par en arrière. De face les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas un de ceux-là. De face les Gémeaux. Le genre qui emmerde la terre entière. De face les Gémeaux. Le genre qui entre par en arrière. De face les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas un de ceux-là. Qui cherche encore du papier, mais pas pour rouler un spliff ni pour un sniff. Juste question d'être plus riche le jour où prendrai ma retraite, mais d'ici là ramasse les dollars que j'échangerai en pesos. C'était qu'il a le problème, c'est que je suis le genre qui dépense plus qu'il encaisse. Toujours à la recherche d'une nouvelle pêche fraîche. Le genre qui est atteint de léger des axes, qui se console en voyant des fous comme Doom faire la troisième page. Plutôt relax. 7 sur 7, 24 sur 24, karaoku. Et pour me le prendre, il faut un 44. 7 sur 7, 24 sur 24. 24 karaoku, pour me le prendre, faut un 44. De face les Gémeaux. Le genre qui emmerde la terre entière. De face les Gémeaux. Le genre qui entre par en arrière. De face les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas de ceux-là. De face les Gémeaux. Le genre qui emmerde la terre entière. De face les Gémeaux. Le genre qui entre par en arrière. De face les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas de ceux-là. De face les Gémeaux. Le genre qui emmerde la terre entière. De face les Gémeaux. Le genre qui entre par en arrière. De face les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas de ceux-là. De face les Gémeaux. Le genre qui emmerde la terre entière. De face les Gémeaux. Le genre qui entre par en arrière. De face les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Non, non, ne me confondez pas. De face les Gémeaux. Le genre qui emmerde la terre entière. De face les Gémeaux. Le genre qui entre par en arrière. De face les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Car je ne suis pas de ceux-là. De face les Gémeaux. Le genre qui emmerde la terre entière. De face les Gémeaux. Le genre qui entre par en arrière. De face les Gémeaux. Le genre au troisième dans les airs. Je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas. Je ne suis pas de ceux-là.